Les éditions de l'Avenir présentent Relations des Jésuites, contenant ce qui s'est passé de plus remarquable dans les missions des Pères de la Compagnie de Jésus dans la Nouvelle-France. Volume 1, embrassant les années 1611, 1626 et la période de 1632 à 1641. Québec, Augustin Côté, éditeur-imprimeur près de l'archevêché, 1858. Relations de 1611. Chapitre 28. Le voyage de la Virginie et le retour en la Nouvelle-France. Dieu soit béni. Voilà déjà les deux tiers de notre troupe reconduits en France, sains et saufs, parmi les parents et amis qui les ouaillent conter leurs grandes aventures. Or, conséquemment, vous désirez savoir ce que deviendra l'autre tiers qui est encore demeuré entre les Anglais. Certes, bien plus longue et plus variable fortune les attend, et tous n'en sortiront pas baignes sauves. Les Anglais avaient trois vaisseaux, savoirait le leur, avec lequel ils nous avaient pris, de 130 tonneaux. Le nôtre, qu'ils avaient saisi, de 100 tonneaux, et une barque de 12 tonneaux, laquelle, pareillement, ils tenaient de nous, et ne la nous avaient point voulu quitter pour fournir à notre retour. Ils remplirent ces trois vaisseaux de leurs gens et nous partagèrent entre eux. Le sieur de la Motte, le capitaine Fleury et le reste d'une moitié, faisant en tout 8 personnes, furent logés en la capitainesse et les autres, en nombre de 7, demeurèrent dans le navire captif duquel le lieutenant Turner était fait capitaine. Or, pour commencement de malheur, on ne conduit point des Jésuites aux îles de Bankoït selon la promesse. Ainsi, on les mena droit à la Virginie avec le reste de la troupe, laquelle on consolait par belles espérances, d'autant que, disait-on, le maréchal de la Virginie, qui a toute charge et autorité de juridiction, était grand ami des Français, comme ayant obtenu tous les principaux honneurs par la recommandation de feu Henri le Grand et ayant été son soldat et son pensionnaire. Cela nous prêchait-on souvent. Mais nos prêcheurs ne prenaient pas leur texte de l'Évangile. Car ce beau maréchal qui, à leur dire, avait le fil et la trempe si française, avait ouï nouvelle de nous, ne parlait que de art et gibet, et de nous faire pendre très tous. L'épouvante nous en fut donnée, et aucun en perdit le repos, ne s'attendant plus qu'à monter ignominieusement par une échelle, et dévalé misérablement par une corde. Mais le capitaine Argall se montra généreux à nous défendre, car il résista au dit maréchal, opposant la foi par lui donner. Et comme il se vit trop faible en cette opposition, il publia nos commissions et lettres royaux, dont je vous ai parlé ci-devant, qu'il avait subtilement enlevé des coffres de la Saussaie. Et c'est par ce moyen que nous avons su qu'il avait usé de telles ruses, car autrement, nous n'en eussions pu rien découvrir. Le maréchal, voyant ces autorités de Sa Majesté très chrétienne et la résolution du capitaine, n'osa passer plus outre. Ainsi, après quelques jours et quelques autres appréhensions, on nous fit savoir que parole nous serait gardée. Or, comment on nous la garderait et quels moyens on nous trouverait de nous renvoyer en France, c'était une grande question. Le général, le maréchal et tous les principaux chefs de la Virginie s'assemblèrent en conseil. Sur Issel, le résultat et conclusion des opinions fut de plus faire que jamais, puisqu'il leur semblait d'en avoir le moyen. Car il fut ordonné que le capitaine Argall, avec ses trois vaisseaux, retournerait en la Nouvelle-France, pillerait et raserait toutes les forteresses et habitations des Français qu'il trouverait en toute la côte jusqu'à Cap-Breton, c'est-à-dire jusqu'au 46e degré et demi, parce qu'ils prétendent à tout temps de pays. Ils feraient pendre la Saussaie et tous ceux de ses gens, lesquels ils trouveraient être demeurés dans ses confins, pilleraient de même tous les vaisseaux qu'ils rencontreraient, trouvant toutefois moyen aux personnes de se pouvoir retirer en France en cas qu'ils ne fissent point de résistance. Et qu'on nous mettrait, nous autres vieux prisonniers, en compagnie de ceux à qui, en cette façon, l'on ferait grâce de la vie. Telle fut la délibération. Mais Dieu était par-dessus et comme vous aurez, il en disposera autrement quant à plusieurs articles. Selon cette conclusion, Argal reprit une autre fois la route de la Nouvelle-France, plus fort que devant, car il avait 3 vaisseaux, et avec meilleure espérance, parce que le butin qu'il avait fait sur nous lui accroissait, et la cupidité et l'espoir. Il ne prit cependant avec soi la moitié de nos gens, je ne sais pourquoi. Dans son vaisseau étaient le capitaine Fleury et 4 autres. Dans celui du lieutenant Turnell, qui était le nôtre captif, les 2 jésuites et un garçon. Le premier lieu où ils tirèrent fut Saint-Sauveur, car ils s'attendaient d'y trouver la Saussaie et un navire nouvellement venu. Ils furent trompés, d'autant que la Saussaie était en France, ainsi qu'a été dit. Ils brûlèrent nos fortifications et abattirent nos croix, en dressant une pour marque qu'ils se saisissaient du pays comme seigneur. Cette croix portait le nom gravé du roi de la Grande-Bretagne. Ils perdirent aussi un de leurs hommes pour cause d'une conspiration au même endroit où, 8 jours auparavant, ils avaient abattu la première de nos croix. De Saint-Sauveur, ils adressèrent à Sainte-Croix, ancienne habitation du sieur de Mont, et parce qu'ils avaient su que le père Billard y avait été, Argal voulait qu'il les y conduisît. Mais le dit père ne le voulut point, ce qui le mit entièrement la disgrâce du dit Argal et en grand danger de sa vie. Ce, néanmoins, Argal rôda tant en haut qu'en bas et rechercha tant tous leurs endroits, les confrontant avec les cartes qu'il nous avait prises, qu'enfin il la trouva de soi-même. Il en enleva un bon morceau de celle qu'il y trouva, brûla l'habitation et détruisit toutes les marques du nom et droit de France ainsi qu'il avait eu commandement. Chapitre 29. La prise et incendie de Port-Royal, deux grands dangers du père Billard. Le capitaine Argal, ayant ruiné Sainte-Croix, ne savait comment adresser et faire voile à Port-Royal, selon la commission qu'il en avait, d'autant qu'il doutait de s'aller engouffrer en si dangereuse plage, sans conducteur, bien connaissant des lieux, et par l'exemple fait qu'il avait du père Billard, il n'osait attendre d'aucun Français l'y voulût conduire ou l'y conseiller sincèrement. À cette cause, il se mit en quête de quelques sauvages et fit tant par ses courses, embûches, enquêtes et industries qu'il surprit le Sagamo, homme très expérimenté et entendant au fait du pays. À la conduite, dit celui, il vint à Port-Royal. Or, il y eut là sans doute de malheur pour le regard des Français parce que l'Anglais, entrant à la une dans le port comme il fut, et venant ancrer à la vue de l'habitation, à plus de 2 lieues loin, si les Français eussent veillé, ils avaient beau moyen ou de se préparer au combat, ou de se débagager. Car, à cause de la marée, l'Anglais ne fut devant l'habitation qu'à 10 ou 11 heures du jour suivant. Je ne sais ce qu'on fit. Tant il y a que l'Anglais, mettant pied à terre, ne trouva personne dans le fort, et vit des souliers et des hardes éparses. Par ainsi, il eut double joie dans cette prise. L'une, qu'il ne trouva aucune résistance, que jamais il n'eût pensé. L'autre, qu'il rencontra un assez bon butin, à quoi il ne s'attendait pas. Cette rencontre du butin non attendu pensa coûta la vie au père Billard. Voici comment. Les Anglais ayant déjà perdu beaucoup de temps à chercher Sainte-Croix, et depuis, à attraper un sauvage qui fut leur conducteur, le lieutenant Turnell était d'avis de laisser le voyage de Port-Royal et s'en retourner au plus tôt à la Virginie, alléguant pour raison que le lieu était très dangereux et la saison par trop avancée, car c'était la fin d'octobre, et qu'au bout de tant de peine, il n'y aurait point de profit parce qu'on n'y trouverait rien, sinon misère et la haine des Français, qui s'acquerraient bien méritoirement par le brûlement qu'ils allaient faire, sans récompense d'aucun émolument. Le lieutenant Turnell avait troué ses raisons du père Billard, avec lequel il prenait souvent plaisir à deviser, et les estimait fort valides. Or, le capitaine Argal, ayant eu le bonheur d'une facile entrée, et depuis, dans Port-Royal, ainsi qu'a été dit, un assez bon butin en vivres, hardes et ustensiles dans l'habitation, Il reprochait à son dit lieutenant son conseil et la croyance qu'il avait eue aux jésuites, et même, pour cette cause, lui faisait moindre part de la proie. Le lieutenant en était en grande colère, et d'autant plus qu'on l'avait toujours eu en réputation d'homme d'esprit et de bon conseil. De quoi il se voyait déçu à l'occasion, comme il pensait, du jésuite. Or, il y avait un puritain anglais, maître du grand navire, plus malin que tous les autres, dissimulé néanmoins, car il faisait les plus beaux semblants du monde. Mais les autres Anglais nous avertissaient de ne point fier à lui, d'autant qu'il était malignement envenimé contre nous. Celui-ci donc, voyant son coup, persuadait au capitaine et au lieutenant, lesquels il voyait émus, d'abandonner à terre le jésuite, disant qu'il était indigne que les Anglais lui donnassent des vivres, puisqu'il les avait voulu empêcher d'en avoir, et mille autres raisons qu'il alléguait. Je ne sais qui secourut tant à propos le jésuite en ce danger que sa simplicité. Car, tout de même, que s'il eût été bien favorisé et qu'il eût pu beaucoup envers le dit anglais, il se mit à genoux devant le capitaine par deux diverses fois et à deux diverses occasions, à cette fin de fléchir à miséricorde envers les Français du dit Port-Royal égaré par les bois et pour lui persuader de leur laisser quelques vivres, leur chaloupe et quelque autre moyen de passer l'hiver. Et voyez combien différentes pétitions on faisait au dit capitaine. Car, au même temps que le père Billard le suppliait ainsi pour les Français, un Français criait de loin avec outrage et injure qu'il le fallait massacrer. Or, Argal, qui est d'un cœur noble, voyant cette tant sincère affection du jésuite et, de l'autre côté, tant bestiale et enragée inhumanité de ce Français, laquelle ne reconnaît ni sa propre nation, ni bienfait, ni religion, ni était domptée par l'affliction et verge de Dieu, estima que celui serait toujours au reproche et impropère si, sans jugement et sans avoir ouï parti, il venait à délaisser pour une occupation subtile celui qui l'avait donné sa parole, et par ainsi rejeta tout ensemble et la suasion de l'anglais et la forcenerie du français, d'autant plus apaisé envers le jésuite que, plus il le voyait attaquer, sans qu'il remarquât en lui changement ou altération. Or, le dit capitaine, ayant enlevé de Port-Royal tout ce qui lui sembla commode, jusqu'aux ais, verrois, serrures et clous, chose certes bien pitoyable. Car, dans une heure ou deux, on vit réduire en cendres le travail et dépenses de plusieurs années et personnes de mérite. Et plaise à notre Seigneur que ce même feu ait tellement détruit tous les péchés qui peuvent avoir été commis en cette place que jamais ne ressuscite plus en aucune part, ni ne provoque la juste et redoutable vengeance de notre Dieu. L'anglais, comme j'ai dit autre part, effaçait partout tout monument et indice de la puissance française, ce qu'il n'oublia pas ici, jusqu'à faire user du pic et ciseaux sur une grosse et massive pierre, et laquelle était entaillée les noms du sieur de Mont et autres capitaines, avec leurs fleurs de lys. Ce fait, il leva l'ancre pour s'en aller, mais il fut retenu par le mauvais temps à l'embouchure du port 3 ou 4 jours. Tandis qu'il séjournait ici à l'ancre, un Français de ceux du dit port demanda de parlementer, ce qui lui fut accordé. Or, entre les bonnes affaires que ce beau parlementaire avait traitées, fut de dire au capitaine anglais qu'il s'émerveillait bien fort comment il n'avait déjà délivré le monde du pernicieux jésuite qui était en ses navires. Si ce n'était peut-être que le malheur les conserva pour revancher les Français par quelque trahison méchante que le dit jésuite jouerait à son coup et occasion. Car c'était, dit-il, un vrai et naturel espagnol qui, ayant commis plusieurs forfaits en France, à cause desquels il en était fuitif, leur avait encore donné beaucoup de scandales à Port-Royal, et qu'il ne fallait aucunement douter qu'encore ne fût-il pire aux Anglais. Argal, voyant dire que le père Billard était naturel espagnol, ne le pouvait croire, mais on lui donna cette accusation par écrit et sous-signée de 5 ou 6. Et le pressait-on fort à ce qu'il jetait en terre à l'abandon le dit père Billard. Mais tant plus qu'on le pressait, et tant moins l'Anglais y consentait, parce qu'y consentant, il ne pouvait fuir le déshonneur d'avoir manqué de foi et de justice. Là où le gardant pour la Virginie, il s'attendait de l'y faire mourir en acquérant louange de fidélité à son office et de patience à supporter. Car, en communiquant au maréchal cette déposition des Français, et ajoutant par-dessus, comme le dit Penn avait voulu montrer l'île Sainte-Croix, et avoir tâché de divertir les Anglais d'aller à Port-Royal, il n'avait garde d'échapper des mains du maréchal, desquelles à peine avait-on pu l'arracher, lors même qu'on n'avait aucune prise sur lui. Ainsi Dieu le voulut sauver pour l'or et encore plus merveilleusement depuis, comme vous aurez. Cependant, vous remarquerez sagement jusqu'à quelle rage le malin esprit agite ceux qui se vendent à lui et combien il faut être réservé à croire les délations et détractions, puisque le père Billard avait vécu dans Port-Royal et avait toujours été notoirement reconnu pour ce qu'il est, c'est-à-dire bon français naturel, et qui jamais ne fut en Espagne, ni lui, ni son père ou mère, ou aucun de ses parents. Or que ce, néanmoins, un français se soit trouvé si possédé par l'esprit sanguinaire que pour le faire mourir, il soit venu à l'imposture si furieusement, et recevant le châtiment de Dieu, n'en avait fait autre profit que de se prostituer si désespérément à Satan et à calomnie, cela surpasse toute appréhension commune de malice, et à peine peut-on concevoir qu'un homme puisse devenir si vendu et si désespérément asservi à péché. Chapitre 30. Le départ de Port-Royal, les diverses aventures des navires, et comme nous fûmes contraints de relâcher aux Açores. Le 9e de novembre de cette année 1613, les Anglais départirent de Port-Royal, en intention de s'aller rendre à leur Virginie et y jouir du butin l'hiver suivant. Or, dès ce temps, le lieutenant Turnell ne regardait plus le père Billard que comme un pandore abominable. Il le détestait encore davantage quand il repensait au passé, car, par le passé, il avait fait état de le priser et l'aimer pour sa naïve simplicité et ouverte candeur. Mais ayant vu le témoignage par écrit de tant de Français qui l'assurèrent être naturel espagnol et méchant homme, il aimait mieux croire que le jésuite fut menteur que non pas tant d'autres qui l'accusaient. Par ainsi, il haïssait d'autant plus irréconciliablement cette si profonde et impénétrable dissimulation, comme il pensait, d'un Espagnol, contrefaisant le français, laquelle lui, homme réputé pour accord et bien avisé, n'avait su découvrir en tant de temps, ainsi à laquelle il s'était laissé surprendre jusqu'à une familiarité et amitié grande. Telle était la colère du capitaine Turnell, lequel, d'ores en avant, j'appellerai absolument capitaine et non plus lieutenant, parce que nous allons nous séparer. Écoutez comment. Le second jour après notre départ, veille de Saint-Martin, un si grand orage s'éleva qu'il écarta nos trois vaisseaux en telle façon que depuis, ils ne se sont point revenus ensemble, ainsi ont tiré très tous bien diverses routes. La barque n'a point comparé depuis, et nouvelles aucune n'en ayant été oui, aucun se doute qu'elle soit périe avec les 6 Anglais qui étaient dedans. L'anneau capitainesse, où commandait Argal, nonobstant le contraste, vint à port heureusement à la Virginie dans 3 semaines ou environ. Le maréchal, duquel nous vous avons parlé ci-devant, oui, fort volontiers du capitaine Argal tout ce qui s'était passé, et attendait en bonne dévotion le père Billard pour lui tôt accourcir les voyages, lui faisant trouver au milieu d'une échelle le bout du monde. Mais Dieu, maître de la vie et des puissances, dispose à ce bon plaisir de ses créatures, et non à la fantaisie du bras humain, prenant plaisir au titre que lui donne le psalmiste d'être le Seigneur, qui délivre le pauvre des mains des plus forts, et le destitue de la puissance de ceux qui le pillent, comme je m'en vais vous montrer qu'il l'a fait. Les 2 jésuites et un garçon français étaient dans le navire captif sur lequel avait été commis le capitaine Turnell. Ce navire, séparé d'avec Argal par la tempête, fut tant incessamment poursuivi 7 jours durant que le capitaine, perdant espérance de pouvoir aborder la Virginie, appela tous ses gens et mit en délibération qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sauver leur vie. Car, de combattre les orages plus longtemps pour ne se pas éloigner de la dite Virginie, il n'y avait point d'apparence parce qu'on avait dans le navire des chevaux pris à Port-Royal qui les ruinaient d'eau tant ils en buvaient. Les tourbillons rompaient tant de voiles, au vent et cordage, qu'il n'y avait plus de quoi les refaire et les vivres étaient bien bas, hors le molu seulement, de laquelle il y avait assez. Mais de pain, on en avait eu par l'espace de 3 mois que 2 onces chaque jour par tête, bien rarement 3, et s'il en restait fort peu. En cette délibération, les mariniers furent d'avis qu'il fallait soutenir encore quelques jours pour leur honneur. Et, approbation de leur conseil, le bon temps leur arriva au jour suivant, et les conduisit si avant qu'ils ne s'estimaient pas être à plus de 25 lieues de leur port. Pour en confesser la franche vérité, les Jésuites ne priaient point pour ce bon temps, car ils savaient assez où c'est qu'ils les convoyaient. Or Dieu, crois-je, ayant pitié d'eux, suscitant un gaillard et fougueux sur-ouest qui vint donner droit en face à nos Anglais, et les contraignit de mettre le navire en cap, comme l'on dit, de plier toutes les voiles, et de penser à leur conscience. Le capitaine, voyant cette rage de vent et de vagues, ne voulut pas s'opiniâtrer. Heinz conclut qu'il fallait relâcher aux Açores à 700 lieues de là pour s'y pourvoir de leurs nécessités et attendre le bon temps. Il fit tourner le cap pour adresser là, et aussitôt après, on tua les chevaux qui nous avaient gâté et consumé notre eau, de manière qu'elle était infecte et puante. Et encore, la donnait-on en bien petite mesure. Mais la chair de cheval était fort bonne au goût des Jésuites. Or, durant ces furieuses et horribles tempêtes, comme tous avaient bien occasion de penser à leur conscience, Dieu particulièrement disposait le capitaine. De manière qu'une fois bien repentant, il appela le père Billard et lui tint ce discours que je vais insérer quasi de mot à mot. Car le capitaine parlait bon français et beaucoup d'autres langues vulgaires, outre le latin et le grec qu'il entendait bien. Homme de grand esprit et qui a bien étudié. Père Billard, dit-il, Dieu est courroucé contre nous, je le vois bien. Il est courroucé contre nous, dis-je, mais non pas contre vous. Contre nous, parce que nous vous sommes allés faire la guerre, sans l'avoir premièrement dénoncé, ce qui est contre le droit des gens. Mais je proteste que ça a été contre mon avis et mon gré. Je ne sus qu'y faire, il me fallait suivre, j'étais serviteur. Ainsi, je vous dis que je vois bien que Dieu est courroucé contre nous, mais non pas contre vous, ainsi à l'occasion de vous, car vous ne faites que partir. Le capitaine s'arrêta ici. Vous pouvez estimer si le jésuite manqua de répondre à propos. Le capitaine le prit d'un autre endroit. Mais, père Billard, dit-il, c'est chose étrange que vos Français de Port-Royal vous accusent ainsi. Le père répondit. Mais, monsieur, m'avez-vous jamais ouï me dire d'eux? Nenni, dit-il. Ainsi, j'ai fort bien remarqué que quand on me disait d'eux, et devant le capitaine Argall et devant moi, toujours vous les avez défendus. J'en suis bon témoin. Monsieur, dit le père, prenez argument de là et jugez qui a Dieu et la vérité de son côté, ou les médisants, ou bien les charitables. Je l'entends bien, dit le capitaine. Mais, père Billard, la charité ne vous a-t-elle point fait mentir quand vous me disiez que nous ne trouverions que misère à Port-Royal? Le père répartit. Pardonnez-moi, monsieur, vous priant de vous souvenir que je ne vous ai dit sinon que moi étant là, je n'y avais vu et trouvé que misère. Cela serait bon, dit le capitaine, si vous n'étiez espagnol, comme l'on dit que vous êtes, car l'étant, ce que vous désirez tant de bien aux Français, n'est pas pour amour que vous leur portez, ainsi pour reine des Anglais. À ceci, le père Billard répondit fort au long, mais il ne lui put jamais déraciner cette opinion, disant qu'il n'était point croyable que 5 ou 6 Français constitués en affliction eussent voulu signer une fausse accusation contre un de leurs concitoyens prêtres, n'y ayant d'autre profit que de le faire pendre, et par ce moyen, satisfaire leur maudite passion. Je vous ai fait ce récit afin que la suave disposition de la divine providence soit reconnue, et que vous entendiez comme Dieu allait préparant peu à peu le cœur du capitaine. Car il se trouva bien perplexe, et lui et ses gens, quand ils se virent près des Açores. La cause en était parce que ces îles sont habitées des Portugais catholiques. Par ainsi, les Anglais considéraient que, venant y ancrer, il faudrait souffrir la visite du navire. Que si, en la visite, on découvrait les Jésuites, que c'était fait d'eux, parce que délivreraient les 10 Jésuites comme catholiques, écu serait pendu, ou pour le moins mis à la cadence, comme voleur de prêtre. Le remède à ce mal était facile, faisant faire aux 10 jésuites un saut dans la mer. Néanmoins, comme je vous ai montré, la crainte de Dieu s'était réveillée, qu'ils combattaient pour eux. Notre Seigneur, enfin, qui les protégeait, aux prières de sa glorieuse mère, fit que le capitaine se résolut de les cacher au fond du navire, espérant que cela suffirait pour sûreté, comme il suffit aussi, mais la bonne foi des jésuites y aidant, ainsi que vous entendrez tout à cette heure.